Beaune, dimanche 27 juin 2004. J'ai rêvé d'une maison où il y a une unité. Il y a au moins deux familles qui habitent la maison, et les deux ont une discipline pour l'âme et la santé. Pour moi, c'est très important d'avoir ces connaissances. Il y a José Cortés, mon sifu. Je me retrouve avec lui, il habite dans cette maison. Ma première réaction est d'essayer de faire un rendez-vous pour faire du kung-fu avec lui. Mais il n'a pas de raison, dans le sens naturel. Je suis face à lui, je le vois avec une petite fille. Il est occupé et la rencontre n'est pas naturelle. Dans le rêve, je comprends que je dois voir cela en face. Ce que j'ai appris avec José a un temps et un contexte particulier. Maintenant, ce temps est terminé. C'est très naturel. Je le vois maintenant avec d'autres préoccupations dans sa vie. Il y a une petite fille de 3 ou 4 ans qui semble assez adulte, qui l'attend et qui le suit. Je me dis alors que peut-être je n'ai pas besoin d'une discipline, comme celle que j'ai appris avec lui dans le temps, que maintenant il faut que je fasse autrement. Alors je dis rien, je me tais et je laisse faire. Dans la maison, il y a une autre famille et il y a une femme qui fait encore sa pratique, mais d'une façon très privée, domestique. Je crois que c'est du yoga. Tout à coup, je me trouve confrontée à faire avec mes propres moyens. Je me souviens qu'on est dans le même espace de la maison et chacun avait sa pratique. Il y a un homme, je lui parle en termes de yoga. Le yoga s'entend très bien avec le kung-fu et il s'approche à moi. Il me dit un mot dans une langue que je ne connais pas. C'est peut-être un mot qui a une relation à la pratique. C'est peut-être du sanskrit, je pense. Il m'embrasse sur la bouche. Je ne comprends pas. Ensuite, ça m'est égal. Je me laisse faire, puis il commence à pratiquer avec moi. Je peux le suivre sans nécessairement le connaître. En fait, ça me semble bizarre. Il faut marcher sur ses pieds et se prendre par les bras. L'un sur l'autre. Tout à coup, je commence à me rappeler des exercices que j'ai appris il y a longtemps, que je connais. Je commence à nettoyer ma mémoire. À ce moment-là, on passe face à une maison que je crois ça représente cette unité.